L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. France Active Lorraine lance l'édition 2026 de l'appel à projet de la Serre à Projet, un incubateur dédié aux initiatives à impact social, environnemental ou territorial en Meurthe-et-Moselle. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Bérangère Abba-Péréa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet donc de la Serre à Projet. Porté donc par France Active Lorraine, c'est quoi France Active Lorraine? Alors France Active Lorraine, c'est une structure qui soutient l'économie sociale et solidaire en région en apportant accompagnement, financement et mise en réseau aux porteurs de projets à impact. Là, vous venez nous parler aujourd'hui de cette serre à projet. Depuis quand ça existe? Alors, la Serre à Projet existe depuis 2019. C'est un des programmes d'innovation sociale que porte France Active Lorraine et qui est découpé en deux volets. La Fabrique à Projet et l'Incubateur à Projet. Et c'est pour ce deuxième volet que nous lançons aujourd'hui un appel à candidature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une Serre à Projet et comment ça marche? Et à qui ça s'adresse? Une Serre à Projet, c'est effectivement un incubateur qui propose différents types d'accompagnement, à savoir du collectif sous forme d'ateliers, de formations, mais également des rendez-vous individuels, une mise en réseau avec des acteurs locaux et partenaires. Et l'objectif est de consolider la faisabilité, la viabilité et l'ancrage territorial des projets que nous avons sélectionnés. Ça s'adresse à des porteurs de projets individuels ou en collectif, des associations et des entreprises sociales ou structures de l'ESS qui vont créer une activité d'utilité sociale, environnementale, positive et durable dans les domaines de l'inclusion, le lien social, l'économie solidaire, l'habitat, la mobilité, la solidarité, l'environnement ou encore l'innovation territoriale. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples de projets qui ont été portés ? Oui, bien sûr. L'année dernière, nous avons accompagné par exemple les Jeunes Ambassadeurs du Patrimoine, qui est une association qui vise à proposer un programme qui mobilise les jeunes autour de la valorisation du patrimoine local. Ou encore les Femmes Relais du CIDFF qui ont monté un atelier de tissage en surcyclage pour valoriser le savoir-faire artisanal. Voilà, alors comment ça va se passer cet appel à projet? Vous avez un peu évoqué déjà, mais quelles sont les différentes étapes? À partir de quand on peut se dire, je vais lancer mon projet? Cet appel à projet, effectivement, a été lancé le 8 janvier. Il y a une session d'information en ligne qui aura lieu le 26 janvier 2026 et auquel les candidats peuvent s'inscrire sur le site internet. La clôture des candidatures est prévue le 15 février avec un jury de sélection le 10 mars. En parallèle de cet appel à projet dit classique, il y a aussi un appel à projet innové pour le bien vieillir. Effectivement, cette année en parallèle, nous en avons lancé un second qui s'inscrit dans une logique d'innovation sociale au service des personnes âgées. Et le but est d'encourager et d'accompagner des initiatives innovantes pour améliorer la qualité de vie des seniors, renforcer le lien social, faciliter le maintien à domicile ou encore apporter un soutien aux aidants familiaux. L'accompagnement se fait donc avec France Active Lorraine, mais comment tout cela est rendu possible aussi? Vous n'êtes pas tout seul, j'imagine? Non, effectivement, nous ne sommes pas tout seuls. On s'appuie sur un réseau solide de financeurs publics et privés, notamment l'Europe, la région Grand Est, le département de Meurthe-et-Moselle, la métropole du Grand Nancy, la ville de Nancy, AG2R La Mondiale et le Crédit Agricole qui nous soutiennent au quotidien, et également un réseau de partenaires institutionnels et techniques qui sont mobilisés tout au long de l'accompagnement. www.lacer.org, là on retrouve toutes les infos pratiques concernant... C'est bien ça, oui. C'est ça. Et vous avez dit donc qu'il y a un temps d'échange, on pourra poser toutes nos questions. Voilà, c'est ça, c'est un temps d'échange en visio qui aura lieu de 15h à 16h30, donc le 26 janvier 2026, et c'est l'occasion effectivement de poser toutes les questions que les porteurs de projets ont. Peut-être un dernier mot pour donner envie aux gens de se lancer, ne serait-ce que de venir s'intéresser déjà, d'aller creuser un peu, découvrir tout ça. Si vous souhaitez lancer un projet et bénéficier d'un accompagnement puissant pour votre projet à impact qui favorise l'innovation sociale, la coopération locale et la transformation concrète du territoire, n'hésitez pas à rejoindre la Serre à Projet dès maintenant. www.lacerre.org. Merci beaucoup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.